Voici l'une de nos nombreuses planches à découper qui porte les traces de nos activités durant tout le processus du Ferment Lab. Des traces de découpage selon la force avec laquelle nous appuyons pour découper les légumes sur la planche, différentes couleurs laissées par les choux. On voit des traces de choux rouges. Donc cette planche à découper est un morceau d'histoire du Ferment Lab.